Bon, ça risque d'être un peu plus laborieux que d'habitude en ce qui me concerne, puisque ce soir, on va essayer pour, enfin, en ce qui me concerne, d'aborder pour la première fois un thème à partir de données scientifiques, physiques modernes. Alors, je ne suis pas spécialement versé dans la physique moderne, fait que je vais essayer au moins d'utiliser leur langage pour amener l'entrevue. Alors, il faut savoir que la métaphysique moderne, et particulièrement avec Robert Charron, a défait complètement la physique à papa. C'est une véritable révolution. Suite à la relativité générale d'Einstein, Jean Charron a développé la relativité complexe. Alors ça a été quelque chose d'extraordinaire en physique parce que ça a ouvert les yeux des physiciens sur un monde qu'ils ne soupçonnaient pas jusqu'alors et même qu'ils se refusaient de voir. Autrement dit, depuis 1983, la physique rejoint par bien des points la métaphysique. Alors nous autres, quand on parle de notre monde, on a l'habitude de parler du monde de la réalité. Lorsqu'on parle de la matière, on parle de la réalité. Et lorsque l'on veut parler du mental, on va parler de l'imaginaire, etc. Maintenant, dans la définition des physiciens, dans le croquis général de la relativité complexe, l'énoncé premier de Jean Charron, c'est que au départ, il y a ce qu'il appelle l'être, avec un grand E, et qui est pour le commun des mortels, représente Dieu. Dans l'être, il y a les archétypes. Les archétypes en eux-mêmes représentent des virtualités, des potentiels, dans cet ensemble des sous-ensembles-là, mais ils ne sont pas actualisés. Ce sont donc tous les possibles, tous les états possibles de manifestation, mais non manifestés dans l'être. Et c'est l'esprit qui va les actualiser, ces archétypes, les mettre dans la forme et les descendre dans la matière. Et à date, la matière, eh bien, il n'y avait qu'un seul aspect de la matière quand on envisageait. La particule de matière était simplement comme une boule de billard, si vous voulez. Et depuis les théories de la relativité complexe, la découverte de Charron principale, c'est de voir que à toute particule de matière correspond une particule mentale. Et c'est ce qu'il appelle les éons. Autrement dit, les éons sont la contrepartie mentale de la matière. Et il appelle cet ensemble-là matière et mental, cette unidualité, la psychomatière. Dans ces équivalences, ces micro-univers d'éons, il existe des temps inversés, un temps négatif. Comme il existe un anti-quelque chose dans ces dimensions-là, tout ce qui est visible dans l'invisible, il y a un anti-matière, un anti-temps. Et c'est là où le concept commence à être difficile à se mettre dans la tête. Il faut croire qu'on n'a pas forcément les structures pour ça. C'est que dans notre temps à nous, qu'on appelle le temps positif, la cause d'un événement est à rechercher dans le passé. Donc c'est le passé qui détermine le présent. Mais dans un anti-temps, un temps négatif, la cause se trouve dans le futur, et elle détermine le présent. Je peux aller jusque-là, mais pas plus loin. Là, on a besoin de vos explications, de vos lumières, Bernard. Bon, demandez-moi une question. Il y en a tellement. D'abord, pour vous, quelle représentation vous faites de l'univers des éons, de la contrepartie matière mentale